Chapitre 2. Conseil de cabinet secret. Le reporter disparut dans un ascenseur, se sauva par l'escalier de service. Il voulait être seul, il avait besoin de réfléchir, enfin il contenait difficilement sa joie. Depuis le commencement de la guerre, il avait, comme tant d'autres, rempli obscurément son devoir, risqué 100 fois sa vie dans une besogne anonyme de défense nationale, qui était pleine de grandeur, certes, mais qui l'eût voulu plus, disons le mot qui était au fond de la pensée du reporter, plus amusante. Combien de fois n'avait-il pas désiré que l'on fît appel à ses dons d'initiative, d'invention, pour remplir quelque mission exceptionnellement difficile à laquelle il se fût donné de toute son âme, de toute son imagination? Eh bien, aujourd'hui, il était servi. On le faisait venir pour sauver Paris. Les plus hauts personnages de l'État attendaient le caporal Rouletabille pour sauver Paris, tout simplement. Ah ça, mais qu'est-ce que cela signifiait, sauver Paris? C'était ces deux mots-là qui le bousculaient, l'aveuglaient, l'empêchaient de comprendre, quoi que ce fût, à une aussi prodigieuse aventure. Il savait bien, lui, qui revenait des tranchées, que les autres ne passeraient plus. Et avec lui, tout le monde le savait aussi. Et eût-il pu passer qu'il ne pouvait avoir la prétention de les arrêter à lui tout seul. Et cependant, il résultait bien de la conversation qu'il venait d'avoir avec son patron que c'était lui qui allait sauver Paris, que l'on comptait sur lui pour sauver Paris. Alors ? Mince alors, jeta-t-il tout haut sur le boulevard qu'il était en train de traverser pour se jeter dans une auto qui le conduisit au hammam. Une heure plus tard, quand il sortit de là, après un furieux exercice hygiénique et de solides massages, il se retrouva très calme, très maître de lui, prêt à tous les événements, paré pour toutes les aventures. Il dîna dans un discret restaurant des Champs-Élysées, dans l'ombre d'un bosquet, seul avec sa pensée et avec son impatience qu'il travaillait à maîtriser. Il lui voulut montrer au plus haut personnage un Rouletabille de marbre que rien ne pouvait émouvoir. À 10 heures, il franchissait la grille de la place Beauvau. Il était introduit tout de suite dans le bureau du chef de cabinet où se trouvait déjà le directeur de l'époque. « On est allé prévenir le ministre, » lui dit le patron en lui serrant la main, et tous deux restèrent assis en face l'un de l'autre en silence. Soudain, une porte s'ouvre. Un huissier fait passer ces messieurs dans le bureau du ministre. Un haut personnage est là que Rouletabille reconnaît. Polytetens. Ça va chez les poilus? Ça va. Asseyez-vous donc, je vous en prie. Arrivée d'un second haut personnage, présentation de Rouletabille. Enchanté de faire votre connaissance, jeune homme. Votre directeur nous a dit qu'on pouvait vous demander des choses impossibles. Nous allons voir. Rouletabille n'a pas le temps de répondre. Un troisième haut personnage fait son entrée. C'est à celui-ci que le directeur de l'époque téléphonait tantôt devant Rouletabille. Tous demandent. Eh bien, vous avez vu Cromer? Cromer, répond le dernier arrivé, doit être là-haut. Je lui ai donné rendez-vous à 10h30. Ce qu'il raconte est effrayant. Encore une porte qui s'ouvre. Le directeur de la Sûreté Générale est annoncé. Messieurs, fait-il en entrant, j'ai tout mon monde là-haut. Si vous voulez monter, je suis à votre disposition. Ainsi, c'est à la Sûreté Générale que l'on va. Ce conseil extraordinaire, on n'a pas voulu le tenir au ministère même, mais dans un endroit plus discret, plus fermé. Par des escaliers intérieurs, par des corridors dont Rouletabille connaît bien le labyrinthe, on se rend au cabinet même du chef de la Sûreté Générale. Dans le petit vestibule qui précède les bureaux, un homme à figure énergique, face entièrement rasée, type d'anglo-saxon, attend debout, les bras croisés, cependant qu'au fond d'un fauteuil, une vieille honorable dame, à bonnet noir, montre une figure pleine d'angoisse et empreinte d'une tristesse infinie. Les hauts personnages saluent. L'un d'eux va à l'homme. « Monsieur Cromer, voulez-vous entrer avec nous, si je vous prie ?» La vieille dame n'a pas bougé, elle reste seule dans le vestibule avec l'huissier qui referme sur les autres la porte du bureau de son chef. Dans le bureau, tous se sont assis. Nous avons désigné, avec une discrétion nécessaire, les hauts personnages qui sont réunis là, par les soins du directeur de la Sûreté Générale, et pour préciser leur individualité, nous userons des termes même dont se servait Rouletabille quand il avait à rappeler dans ses notes le rôle que chacun assuma dans cette mystérieuse séance. D'abord, il y avait celui que tous appelaient « Monsieur le Président » et quelquefois « Monsieur le Premier », expression dont on se sert à la fois pour adresser la parole au Premier ministre président du conseil, et aussi au président de la cour d'appel de Paris. Le second haut personnage, celui-là même qui avait introduit M. Cromer, se distinguait par un énorme binocle à garniture d'écailles qui lui mettait deux véritables hublots sur sa face glabre chaque fois qu'il y avait à lire quelques feuilles ou qu'il trouvait intéressant d'étudier les jeux de physionomie de son interlocuteur. Rouletabille, en parlant de lui, disait « le binocle d'écailles ». Enfin, le troisième ne cessait de fumer des cigares énormes dont il avait une profusion dans un portefeuille grand comme une petite valise. Rouletabille l'avait surnommé depuis longtemps déjà le bureau de tabac. En entrant, le reporter s'était glissé dans un coin obscur, d'où il pouvait tout voir et où il espérait se faire oublier. « Faut-il l'introduire nourri ?» demanda d'abord le chef de la sûreté. Mais le binocle d'écaille, sentant des papiers de son marocain, « Non, pas encore, je vais vous lire la lettre de Fulbert que le service d'invention a retrouvée. » Vous m'avouerez, mon cher ami, qu'il est tout de même incroyable que le service ait pu égarer une pièce pareille, fait alors entendre celui qu'on appelle le président. Ces messieurs du service vous répondront, répliqua le binocle, qu'ils en reçoivent une centaine dans le même genre tous les mois. Elles sont toutes classées, du reste. On a fini par retrouver la missive de Fulbert dans la quantité de celles qui sont mises au rébus, comme ayant été écrites par des fous. À l'exception de Rouletabille, tous ceux qui étaient là s'exclamèrent, et le directeur de l'époque tout particulièrement. Mais Fulbert n'était pourtant pas le premier venu, fit-il. Ses travaux sur les vertus curatives du radium commençaient à faire sensation quelques mois avant la guerre. « Bah, il faut en exagérer, » répliqua le binocle d'écaille. Rappelons-nous que, déjà à cette époque, la science officielle traitait Fulbert de poète et de rêveur. Et puisque vous vous souvenez de la prétention qu'il avait émise de guérir un jour, avec son radium, tous les maux de l'humanité, jugez de l'étonnement de ces messieurs des inventions en recevant une lettre dans laquelle le même inventeur affirmait avoir trouvé le moyen de détruire en 5 siècles une portion convenable de cette même humanité. Je vous fais juge, je lis. Monsieur le etc. J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis à même de mettre à la disposition du bureau des inventions les plans d'une machine infernale susceptible de détruire, en quelques minutes, une ville de l'importance de Berlin, et cela sans sortir de nos frontières. Veuillez me croire, monsieur le ministre, votre très doué serviteur, Théodore Fulbert.